Sais-tu écrire ? Passes-tu le temps à parler et rire ? Je ne te connais que par des récits trop courts, trop loin, trop lourds de rien. Je ne te connais que par des non-dits, des masques et des mensonges, des masques et des mensonges. D'un être cher.